Les mecs comme moi ça fait chier parce que je réponds à l'école de la rue. Faut des heures de gueule, des heures de gueule, pas que soit de la pub. Je vais être balèze, avoir de l'or et plein d'anas. Putain faut que je pèse. Et si ça gêne, c'est de la balle papa. J'ai choisi le big data. Je vais faire la maille et me cacher mes vides papa. Comme une clique à part. Et si tu me guettes, toi je vais voir tes pattes tapas. C'est que ton bise à toi est traite comme la Gestapo. Ça fait des pics tapage. Alors c'est clair qu'on tape. Dis-moi à la face qui se baisse la peau. Moi c'est Hades, c'est de l'aise connard. Un vrai gars pour les mises, c'est pique ton art. J'casse, vole, cours, nage, casse tout. Pour que j'marche, j'avance de plus en plus. Comme j'peux, dans un move où la haine des gens est dangereuse. J'casse, vole, cours, nage, casse tout. Pour que j'marche, j'avance de plus en plus. Comme j'peux, dans un move où la haine des gens est dangereuse. La femme que j'aime, elle aime les guerriers comme Saiyan. C'est se tromper, dis-moi. Ça change de design. À moi tout seul, je joue comme Goku. Je peux lancer des boules fans ou blesser avec le Goku. J'suis pas marqué comme le bétail. J'vais pas dans le marketing. J'ai la rime qui claque, j'lâche au détail. Tu crois me rapper, c'est que t'es vraiment raté. J'avais déjà touché, t'avais pas encore raté. J'suis bien sprossé, qui fait danser les donzelles. Tu sens la bonne occasion. Cousin, t'as un bon zèle. Vas-y, j'te laisse passer. Car moi j'avance vite. J'serai trop loin quand tu kifferas ma vie. J'casse, vole, cours, nage, casse tout. Pour que j'marche, j'avance de plus en plus. Comme j'peux, dans un move où la haine des gens est dangereuse. J'casse, vole, cours, nage, casse tout. Pour que j'marche, j'avance de plus en plus. Comme j'peux, dans un move où la haine des gens est dangereuse. Les mecs, j'aurais mis du temps pour percer dans le rap. Des passes et des sales histoires, de bise et de rap. Beaucoup de patience devant les voix que ça coulait tous. Ok, c'était couture et les tasses découlaient tous. Et les gars au faux aspect. Moi j'crois comme un loup qu'il faut chasser. Ici y'a trop de jalousie. Et moi j'ai la dalle aussi. Alors faut que j'craigne. Parce que j'ai faim depuis des années. J'm'en fous du luxe. Qui fait changer mes amis. J'ai la haine man. Comme le haine de mes ennemis. J'avance seul. Et s'il faut j'me défends seul. T'inquiète pas, moi j'te défonce. J'casse, vole, cours, nage, casse tout. Pour que j'marche, j'avance de plus en plus. Comme j'peux, dans un move où la haine des gens est dangereuse. J'casse, vole. J'avance de plus en plus, comme je peux, dans un move, la haine des gens est dangereuse. Crasse, vole, cours, nage, casse tout. Pour que je marche, j'avance de plus en plus, comme je peux, dans un move, la haine des gens est dangereuse. Crasse, vole, cours, nage, casse tout. Pour que je marche, j'avance de plus en plus, comme je peux, dans un move, la haine des gens est dangereuse.